Des troupes spéciales américaines et sud-coréennes ont effectué au début de février les exercices conjoints visant la pénétration et la destruction des objectifs importants nord-coréens, d'après la radio sud-coréenne KBS. Y ont été mobilisés des Osprey, appareils de transport à usage de pénétration des commandos américains et appareils d'opération spéciale MC-130. Partant de la base aérienne américaine à Kunsan de la Corée du Sud, les exercices consistent à pénétrer dans la zone nord-coréenne pour frapper les commandements et détruire des installations importantes. D'autre part, sous prétexte d'un cas échéant de la péninsule coréenne, les États-Unis ne cessent de disposer leurs forces dans la péninsule coréenne et à ses environs. Le 10, ils ont déployé au Japon 12 chasseurs furtifs F-22 et le 12 à Okinawa un bataillon de renfort de l'infanterie de marine américaine qui était à l'état de Californie-Nord, États-Unis.